La contestation perpétuelle de la naïveté. C'est le titre de l'enregistrement parce que la naïveté humaine va être continuellement être contestée pour rester dans un état d'équilibre étant donné que l'être humain a tendance à croire. La croyance est à double tranchant. D'un côté, la croyance a favorisé l'union entre des individus qui a permis de former des groupes, des religions, ensuite des chapelles théoriques psychiatriques, mais des écoles de psychologie, des dogmes, des croyances. Ça a été le ciment social, dans le sens qu'à l'entour de certaines croyances, prenons par exemple les gens qui vont adhérer à des dogmes indémontrables en relation avec la religion catholique, prenons par exemple le dogme associé à la résurrection du Christ. Bon, ça fait quoi? Ça fait qu'une communauté d'individus vont se regrouper à l'entour d'une croyance et ça va leur donner un sentiment de cohésion, de fraternité en relation avec ça, puis il y a différentes croyances à différents niveaux. Donc, d'un côté, la croyance était un outil pour consolider des liens sociaux. Je peux en parler très bien parce que récemment, ma fille a été baptisée. La fonction du baptême en relation avec la religion catholique, entre autres, ça sert à consolider des liens familiaux. Comme là, quand il y a eu le baptême de ma fille, il y a eu quelques jours, bon, il y avait ma famille qui était là, du côté de, il y avait ma mère, il y avait mon frère, mon père n'était pas là, il était décédé. Ensuite, du côté à ma compagne, il y avait ses parents. Ensuite, il y avait également son frère et d'autres personnes de la famille. Donc, la cérémonie du baptême, je voulais en parler entre autres. Pourquoi? Parce que le baptême en tant que rituel qui est porteur de sens par rapport à des croyances liées à un collectif a une utilité sociale. Par contre, c'est sûr que c'est pas l'aboutissement de l'évolution d'une conscience individuelle naturellement. T'sais, c'est pas parce que ma fille a été baptisée que ça veut dire qu'automatiquement elle va être consciente puis elle va se retrouver ben, dans le jargon psychologique associé à la religion catholique. On dit quelqu'un qui est baptisé, soit qu'il va aller dans les limbes ou au paradis, alors que s'il n'est pas baptisé, il va aller en enfer. Ça, c'est en lien avec des croyances véhiculées. Donc, ça donne un statut privilégié à l'individu qui adhère à un certain rituel. Les gens qui en font pas partie n'ont pas ça. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, petite anecdote, ma belle-mère, elle s'était faite baptiser le jour qui a suivi sa naissance. Pourquoi? Dans son temps, à la fin des années 1930, parce qu'elle est âgée d'un peu plus de 80 ans, eh bien, la croyance qui était véhiculée dans la grande société québécoise, c'était que si l'enfant naît, il faut qu'il soit baptisé le plus rapidement possible parce que si l'enfant meurt et qu'il n'est pas baptisé, c'est soit qu'ils vont en enfer ou dans les limbes. Donc, il est en situation de perdition. Si je fais la traduction en langage ésotérique, occultiste, bon, on peut dire que l'enfer, c'est le bas astral, les limbes, le moyen astral, une sorte de suspension de réalité, et le paradis, c'est le haut astral. Mais dans aucun cas que l'individu est dans son intelligence réelle. C'est sûr que je ne suis pas naïf par rapport au baptême qu'a vécu ma fille, dans le sens que ça ne donnera pas accès, c'est pas en mettant quelques gouttes d'eau sur le front que l'individu va avoir accès à une conscience intégrale de lui-même. La conscience intégrale est le résultat du fruit de l'activité de l'esprit. Donc, ma fille, elle a à vivre avec contact avec l'esprit. Elle pourra peut-être en venir à un état de conscience harmonisé entre son ego et une dimension impersonnelle, une dimension vibratoire qui se rattache à elle dans sa multidimensionnalité à travers une communication intrasubjective. Peut-être qu'elle vivra ça, peut-être pas. C'est pas de mes crises d'affaires. Moi, je suis le père, mais j'ai pas à imposer ça non plus à ma fille, ainsi de suite. Mais la série du baptême, pourquoi que je vous en parle? Bon, premièrement, parce que je l'ai expérimenté, j'étais à l'église avec ma compagne. C'était, tu sais, dans ma vie, des fois, je suis contrarié parce que, d'un côté, j'ai une façon de voir le monde et très peu ou pas de personnes la partagent. La preuve, vous voyez mes codes de visionnement sur YouTube, hein? J'en ai pas beaucoup. Récemment, j'avais fait un enregistrement qui portait sur la bénédiction. Ça intéresse pas grand monde. Mais je persiste au fil du temps que, à mon avis, ce qui est intelligent, c'est d'utiliser son énergie, sa vitalité, sa conscience en tant que principe qui sert à organiser le réel. Et le simple fait de voir quelque chose puis de le verbaliser, ça permet d'agir dessus à un certain niveau. Parce que la pensée constitutrice et notre conscience est interreliée avec le tout. Il n'y a pas de séparation absolue là, entre moi, les autres, les événements, l'environnement, que ce soit Poutine ou Biden. On est tous interreliés, tout peut influencer tout en tout temps. C'est mon principe, je le maintiens dans le temps. Et moi, je suis de l'avis que dans la vie, si on ne fait rien pour soi, on n'aura rien. C'est la raison pour laquelle je bénis ma vie, je bénis ma santé, je bénis mon abondance financière. C'est sûr qu'idéalement, j'aimerais ça être multimillionnaire, pas avoir de soucis financiers pour le reste de ma vie, une santé parfaite. Je reste sur mes positions. Il y a des gens qui peuvent trouver ça bizarroïde, je m'en fous. Bon, parler de conscience, on s'entend, c'est pas populaire. Et c'est en relation avec un vécu individualisé. J'ai fait récemment un enregistrement, sinon, où ce que j'ai étudié la transidentité à partir d'articles scientifiques. J'ai pas eu trop de vues et de commentaires, mais c'est correct aussi. Je m'en doutais un peu. Bon, c'est un article à caractère intellectuel, c'était très cérébral. Quand je touche pas un terrain vibratoire, il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça plate. Je vous ai écouté, c'est correct. Mais en même temps, je peux pas non plus, si je suis pas dans un feu vibratoire, le simuler. Parce que c'est un peu comme simuler l'orgasme. T'sais, si vous faites une relation sexuelle avec quelqu'un, vous avez fait l'amour avec quelqu'un, si la personne simule et vous le sentez, vous allez trouver ça plate. Donc c'est un petit peu le même principe. Là, pourquoi que je parle? C'est parce que je réalise que dans la vie, ben, c'est sûr que de composer avec les autres, ça demande de faire des compromis et des ajustements. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, j'ai accepté que ma fille soit baptisée. Ce qui me contrarie dans la vie, c'est que comme tout le monde, ben, j'ai fait des expériences. À un moment donné, je me suis dit, je vais jeûner, faire des jeûnes intermittents, voir comment que mon corps se comporte. Et des fois, ça me donne un résultat à court terme. Des fois, de faire des tests, c'est intéressant parce que ça permet de défier les croyances. L'une des croyances, c'est quoi? C'est que si on mange pas, on saute un repas, on va être fatigué, ou on mange pas pendant une journée. Dans mon cas, c'est le contraire. À court terme, j'ai plus d'énergie. Je vous dirais, suite à mes différentes expériences, dans un délai à peu près d'une journée et demie suivant un jeûne, je suis plus énergisé. Mais après un certain laps de temps, l'absence de nourriture m'amène à me sentir plus fatigué, là. Mais ça crée une stimulation, ça fouette l'organisme. Un peu comme si je vais me tremper là, les pieds dans l'eau froide. Ça amène quoi, tremper les pieds dans l'eau froide? Ça amène une sécrétion massive de l'hormone d'endorphine qui amène un état de bien-être à l'individu. Et le jeûne, c'est la même affaire pour moi. Donc, le jeûne, je vous dirais, quelques heures, une journée et demie, là, ça me fouette, ça me dynamise. Comme aujourd'hui, à midi, j'ai jeûné. Je me suis promené dehors au soleil. Je me suis fait braser. Je me suis nourri de la nourriture solaire, du soleil. Ça m'a fait beaucoup bien là, d'être exposé aux photons qui proviennent du soleil. Puis des fois, comme aujourd'hui, je bénissais pour absorber l'énergie du soleil pour m'en alimenter et que ça concourt à mon feu intérieur. Mais tout ça pour dire que, bon, je suis pas capable de vivre en m'alimentant des éléments qui m'entourent, bien que c'est agréable, parce que j'avais vu des vidéos par rapport à des gens qui disent pratiquer le pranisme et vivre seulement de tout ça. Je suis pas encore rendu à ce stade-là, mais c'est correct. Mais c'est sûr que dans la situation que je suis, bon, pourquoi que je parle de tout ça en lien avec le baptême? Ben, c'est parce que, d'un côté, ce qui m'a amené à accepter, entre autres, que ma fille soit baptisée, ça a été le cadeau qu'a fait ma belle-mère. Cadeau que je trouve le très utile en passant, parce que, bon, la coutume ici au Québec, quand un enfant se fait baptiser, c'est-à-dire que l'enfant reçoit de l'eau sur le front de par un prêtre catholique qui confirme que l'enfant va appartenir à l'Église. Donc, il va faire partie de la bonne gang, du bon groupe, et que son âme pourra être sauvée. Grâce à Jésus-Christ, là. Donc, vu que son âme va être sauvée, bon, ben, ma belle-mère a donné comme cadeau un régime d'épargne et tout. Je trouve que c'est un cadeau intelligent. Parce que suite au baptême de ma fille, il y a eu différents cadeaux qu'on a reçus. Des cartes, hein, félicitations pour le baptême, des mots de félicitations. Ensuite, il y avait un petit écriteau là, avec une espèce de parole de sagesse. Des choses de même, le cadeau le plus utile, c'était un régime épargne-études. Pourquoi? Ben, parce que le montant qui est donné va fructifier au fil du temps. Donc, si par exemple, ma fille va faire des études à l'âge de 18 ans, alors qu'elle a réussi, elle a obtenu un montant significatif présentement, c'est-à-dire un montant de 1 000 $ en régime épargne-études. On a ça ici au Québec. Probablement que dans d'autres pays de la francophonie, il y a d'autres programmes, mais avec des noms ou des acronymes différents là, qu'un REE, là, régime épargne-études. Mais bref, le concept est quand même intéressant. C'est-à-dire que à partir du montant d'argent, donc prenons par exemple 1 000 $, bon, bien, le gouvernement fédéral ici, donc du Canada et provincial, donc la province du Québec, va faire une remise de 30%. C'est-à-dire qu'automatiquement, eux autres, vu qu'on contribue, que ma belle-mère contribue à ça, ils donnent 300 $. Ce qui fait en réalité que le montant, c'est au total 1 300. Et sans compter par rapport à la nature du placement qui est fait avec ça, le fait que ça va fructifier dans le temps avec les intérêts et les intérêts composés. Donc, si on prend par exemple un indice, le SP500 qui représente les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Donc, un indice boursier comme ça, pourquoi je fais référence à lui? Parce que, bon, les États-Unis, c'est un gros joueur au niveau de la scène internationale. Puis nous autres, on est au Canada. On est un pays que je qualifierais des lèche-bottes des Américains, dans le sens que les Américains nous influencent ici à plusieurs niveaux. Donc, les États-Unis, ils ont, par rapport à cet indice-là boursier SP500, j'avais vu des chiffres à l'effet qu'il y avait une moyenne de 7% de rendement par année. Donc, ça, c'est sur plus de 30 ans, là. Donc, si on prend des intérêts composés, disons que ma fille va étudier à 18 ans, bon, bien, 7% sur un montant donné, disons 1 300, ensuite 7% l'autre année, ainsi de suite, ça va faire un montant intéressant d'argent, là, sur plusieurs années. Et bon, ça a été une variable. Il y a peut-être des gens qui vont m'écouter qui vont me trouver opportuniste. Parce que, dans le fond, à la base, mon principe, c'était que si ma fille veut être baptisée, qu'elle fasse d'une manière volontairement consciente, une fois qu'elle va être à l'âge adulte, pour faire un choix libre et éclairé en connaissance de cause. Mais là, il y a cette opportunité-là, il y a l'argent qui va croître, puis j'avais regardé vibratoirement que le fait qu'elle soit baptisée ou pas, elle va vivre sa programmation pareil, puis si dans sa programmation, il est prévu qu'elle parvienne à la supraconscience, elle va y parvenir, qu'elle soit baptisée ou pas, ça n'a aucun rapport. Donc, c'est un rituel comme ça, devant plein de monde. Moi, quand j'ai eu le baptême, j'ai été low profile. Ce que je vous partage aussi, naturellement, je ne veux pas parler de ça aux membres de la famille. Mais premièrement, ils ne s'intéressent pas à la conscience supramentale, ils ne s'intéressent pas à étudier le culte à travers les rituels. Bon, c'est sûr que le rituel du baptême, à la base, c'était Jean-Baptiste qui avait trempé la tête dans l'eau à Jésus-Christ pour le baptiser. Et c'est un rituel qui a été fait il y a environ 2000 ans. Donc ça, c'est la base, c'est ce qui est véhiculé dans l'enseignement officiel. C'est sûr que je suis critique et sceptique par rapport à plein de choses. Je fais référence naturellement à la doctrine catholique qui a été véhiculée à travers la Bible. Mais en réalité, si vous me posez la question, est-ce que je suis croyant? Non. Je fais référence à ça comme concept. Est-ce que pour moi, le Jésus qui est décrit dans la Bible, c'est simultanément un Jésus à caractère historique qui aurait vécu à Nazareth? La réponse est vraiment non, là. Premièrement, Jésus qu'on a dans la Bible, les éléments qui ont été retenus par rapport au personnage, ça a été fait à Rome là, plusieurs années après que Jésus ait été décédé. Là. Autrement dit, ce qui a été déclaré comme les éléments de la Bible officielle puis du rituel, puis bon, il y a aussi les documents apocryphes, tout ça, ça a été sélectionné par la suite. Il y a eu un marketing. J'allais dire d'une religion qui s'est institutionnalisée là, à Rome puis dans d'autres pays d'Europe là, par la suite. Donc le personnage a été déterminé. On a récupéré aussi des éléments des cultes païens. Si on prend par exemple par rapport à la naissance de Mithra, par rapport à la date de naissance de Jésus qui concorde, et ainsi de suite. Mais le point que je voulais faire par rapport au baptême, si je regarde avec mon esprit, ma conscience, je demande à mon esprit, qu'est-ce que tu penses du baptême? La réponse, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, c'est une occasion de tisser des liens entre des individus d'une même famille et favoriser des alliances. Est-ce que le fait que le prêtre bénisse l'enfant, ça va lui permettre de parvenir à la conscience? La réponse est non. Est-ce que le prêtre, par sa vibration, peut influer sur la vibration de l'enfant? Oui, il peut véhiculer un état, dans le fond, pacificateur, s'il y a une volonté que la conscience, l'enfant soit dans un état de conscience pacifique, qui est traîtrisé d'une manière temporaire. Par contre, il y a toujours la question de la programmation vibratoire qui se rapporte à l'enfant, qui va s'actualiser dans le temps. Et si l'enfant est mis en vibration pour éventuellement se sortir de la religion, bien, il va le faire tôt ou tard. C'est juste une question de temps. Mais tout ça pour dire quoi? Ben, pour dire que, quelque part, avec le temps, je suis pragmatique. Donc, c'est sûr que pour des fins utilitaristes, c'est sûr que si j'ai des bons liens avec ma famille, puis par la suite, par exemple, si ma belle-sœur accepte de garder ma fille, ou même chose pour mes beaux-parents, parce que j'ai accepté de faire baptiser mon enfant, c'est sûr que je suis content de ça. Tu sais, c'est sûr si je le regarde comme ça. Par contre, ce qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est que la personne appartienne ou non à une religion, la conscience est une affaire individuelle. Puis pour ce qui est du rituel, quand j'ai été au niveau du baptême, bon, on était réunis avec des membres de la famille. Il y a d'autres baptêmes qui étaient célébrés en même temps. Et puis au moment du baptême, ça a été très sympathique. Là, le prêtre là, qui animait l'activité, il était souriant. Puis quand ma fille a eu l'eau sur le front, pour la bénir, hein, eh bien, elle n'a pas pleuré, là, elle riait. Puis le prêtre m'a demandé de soulever ma fille dans les bras pour le montrer à l'assemblée. Je m'aurais cru dans le film Le Roi Lion, où on montre la naissance de l'enfant. Là, donc, c'est comme une célébration. Et c'était sympathique. On était au restaurant par la suite. Et il n'y a pas personne qui m'a posé des questions sur ma croyance, sur nos baptêmes ou tout ça. Là. Les gens, c'était plus parler de la pluie puis du beau temps, puis bonjour, comment ça va, puis petite conversation. Je voulais fermer la parenthèse, puis le sujet, j'ai quand même la suite de ma naïveté, c'est une contestation constante de la naïveté. C'est sûr que si on pense que le fait qu'un enfant est baptisé, il va être protégé, puis il va avoir une vie facile, puis sa vie va être un long fleuve tranquille, parce qu'il appartient dès maintenant qu'il est baptisé à la bonne gang, c'est-à-dire les catholiques, pour quelqu'un qui est catholique, naturellement, c'est de la naïveté. Croire que le fait d'être baptisé va sauver l'âme de l'enfant, c'est de la naïveté aussi. C'est de la naïveté. T'sais, remettre son salut dans la croyance en Jésus comme sauveur puissant, c'est de la naïveté, c'est d'avoir des béquilles spirituelles. Ma compréhension de la réalité, c'est que l'individu doit s'appuyer sur lui-même pour son propre salut, de ne pas compter sur le gouvernement, de ne pas compter sur personne. Ma réalisation au fil du temps, puis pourquoi que des fois je vis de la colère, c'est que je voudrais que les choses soient autrement, mais elles ne le sont pas. La vie, c'est odieux. On peut avoir des valeurs, on peut avoir des convictions sur le plan théorique. Donc, je vous donne un exemple concret. Quelqu'un peut avoir comme valeur, il faut acheter des vêtements qui sont faits de manière éthique, et que, quelque part, c'est des sources de coton renouvelables. Ou même chose pour la nourriture. Tu sais, la nourriture qui s'est certifiée, biologique. OK, on peut avoir cette conviction-là. Sauf que si la personne, dans le fond, n'est pas multimillionnaire ou est limitée sur le plan financier, ben là, à ce moment-là, elle va-tu de l'avant avec ses valeurs ou elle achète d'autres types de vêtements? Tu sais, il y a les victimes de la mode. Les vraies victimes de la mode, c'est pas des gens qui portent des vêtements passés date, c'est les gens qui vont travailler dans des usines à vêtements au Bangladesh ou dans d'autres pays. J'ai écouté un documentaire là-dessus où il y a des barreaux par rapport à l'entreprise de production de vêtements pour que les gens s'échappent de l'entreprise. Et comme les bâtiments sont faits d'une manière qui ne respecte pas des normes de sécurité en matière de construction, bon, ben, y a déjà un endroit qui s'était écroulé. Puis il y a des gens qui faisaient des vêtements qui sont morts là-dedans. Et c'est eux autres les vraies victimes des vêtements. Mais en même temps, en tant qu'occidentaux, est-ce que, dans le fond, pour des raisons économiques, je vais accepter, par exemple, de payer de 20 à 30 fois plus cher les articles, que ce soit les vêtements, les télévisions ou autres, alors que le coût de la vie augmente? Ça, c'est sûr, c'est une question éthique. L'esprit ne va pas nécessairement donner à la personne les moyens d'être millionnaire ou d'aller de l'avant avec des trucs éthiques. Fait que là, il est confronté à des dilemmes moraux. Est-ce qu'il va continuer à acheter des vêtements faits par des gens qu'on sait qui sont dans des pires conditions? Il va payer plus cher des vêtements, mais en même temps, il faut avoir l'argent aussi. Même chose pour acheter de manière... la nourriture certifiée biologique qui coûte nettement plus cher que la nourriture habituelle. Et c'est sûr que dans le fond, la vie, ce que je réalise avec le temps, c'est qu'on peut avoir des beaux principes, mais pour des questions d'argent, de rentabilité, de contexte inflationniste ou coûte tout plus cher, on peut être confronté d'aller dans des sens qui vont de manière différente. Donc, c'est sûr que j'étais content par rapport au fait que ma fille soit baptisée, que là, elle allait avoir un régime épargne-études de la part de ma belle-mère, un montant d'argent significatif, qui, à mon avis, c'est le cadeau que je trouve le plus intéressant, investir dans l'éducation d'une personne, un être humain. Et c'est sûr que ça me faisait penser, vu que c'est une fille, puis, tu sais, moi, si elle fait des longues études, je vais être très fier d'elle, je valorise l'éducation. Je réalise l'éducation, bon, ça peut être de manière formelle à travers les écoles ou de manière autodidacte. Moi, j'ai comme perspective que c'est important que je sois éduqué à tout moment de ma vie, dans le sens d'avoir accès à de l'information, être capable de gérer intelligemment l'information, être dans un esprit de la connaissance plutôt qu'être dans l'ignorance et dans la croyance aveugle et être de manière servile par rapport à des faiseurs d'opinion ou par rapport aux autorités officielles ou officieuses. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a posé la question « Es-tu content d'avoir une fille? » J'ai répondu du tac au tac « Oui, parce que je vis au Québec. » Parce que si je suis en Afghanistan, sachant que les femmes là-bas, ils n'ont pas le droit de faire des études supérieures, je serais en colère. Tu sais, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Afghanistan? En 2003, les Américains ont envahi l'Afghanistan. Et là, ils ont fait miroiter à la population. Vous allez avoir la démocratie. Naturellement, une partie de la population ne voulait rien savoir. Fait qu'il y a eu, de la guérilla. Il y a eu des gens qui se sont pris aux Américains avec des attaques terroristes multiples par rapport aux talibans qui ne voulaient rien savoir des Américains. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, avec le temps, les Américains ont dépensé au-dessus d'un milliard là-bas. Là, puis se sont tannés de payer. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit au gouvernement taliban, on va quitter, mais en échange, dans le fond, ils ont demandé aux talibans de faire certains engagements. Et les talibans ont dit oui, on s'engage à ce que les femmes aient accès à l'éducation, que ça reste en place. Parce que les Américains avaient mis ça de l'avant avec les valeurs américaines là, d'égalité homme-femme, que je trouve que c'est sain personnellement. Et naturellement, les talibans ont dit oui, puis les Américains ils ont laissé au-dessus de plusieurs millions de dollars d'armement là, aux talibans, puis naturellement, ils ont été naïfs. Et qu'est-ce qui est arrivé une fois les talibans au pouvoir? Ils ont foutu les femmes dehors des universités, fini l'accès aux études supérieures pour les femmes. Donc, ils ont manqué à leur engagement. Les Américains, naturellement, ont été naïfs. Et tout ça pour vous dire quoi? Ben, pour vous dire que je suis content que ma fille soit au Québec et non pas en Afghanistan, parce qu'elle n'aurait pas l'égalité des chances en matière d'accès à l'éducation. Et tout ça pour vous dire que, dans le fond, on vit dans un monde où ce que les dirigeants se font avoir par de la naïveté. C'est tout le temps de la manipulation. Ben, c'est tout le temps. C'est souvent. Je vais m'ajuster, là. La manipulation que la naïveté des gens. Et je suis tout le temps stupéfait, Chris, que les gens embarquent toujours. Ça, là, C'est ta belle. Hein? Il y a récemment là, ce qui m'a contrarié. Il y a une amie à ma mère là, qui parle comment que le gouvernement a fait des manipulations pendant la période qu'on a dit de crise sanitaire qui a commencé en 2020. Elle m'a parlé de la manipulation là, que certaines élites font. Puis elle écoute des lanceurs d'alerte sur Internet. Puis à un moment donné, elle me dit que je vais m'acheter une auto hybride pour, dans le fond, pour. Parce que le gouvernement du Québec ici dit que là, à partir là, de 2035, les gens, il va falloir qu'ils achètent des autos avec de l'électricité. Là. Les autos purement à l'essence, ils se vendront plus. Là. Et pour aller de l'avant avec ça, j'ai tellement trouvé naïf. Ça fait plusieurs années que je discute avec elle. Elle voit les failles dans plein de choses. Puis j'ai dit, écoute, le gouvernement a retardé ce délai-là de mettre en application cette loi parce qu'à l'origine, c'était en 2030. Puis là, comme on s'en rapproche, bien, il pèle en avant, 2035. Mais peut-être qu'en 2035, ça va être 2040 ou ça va être plus tard. Puis deuxième élément, si tu vis en fonction du gouvernement, tu risques d'être déçu parce que le gouvernement, il dit n'importe quoi. Il fait souvent des mensonges ou la désinformation, et ça, c'est à tous les paliers, là. Autant provincial, fédéral, au niveau de l'ONU, les membres du gouvernement qui se réunissent, là, qui vont déterminer que, il y a une pandémie, là, Chris, c'est grave, là, cachez-vous, faites-vous confiner, là, mettez en place des mesures de contrôle strictes, là. Mais oui, Chris, puis toutes les astuces de liché de cul qu'on a comme dirigeants, ils embarquent. Ils sont toute une gang de styles naïfs. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, là, c'est pas nécessairement les bienfaiteurs de l'humanité. Là. Ils ont des intérêts. Je pense pas que ce soit des êtres d'amour inconditionnel. Mais non, Chris. Les gens sont naïfs. Cette personne-là qui me dit qu'elle allait s'acheter une auto hybride en lien avec la politique, moi, spontanément, j'étais dans un état de colère. Parce que, premièrement, si tu vis, à mon avis, tu vis par rapport à toi. Puis pour être honnête, là, présentement, si j'avais à m'acheter une auto, premièrement, ça serait une auto usagée à essence. J'ai des doutes par rapport à la technologie électrique. J'ai l'impression qu'elle n'est pas encore totalement à point. D'ailleurs, il y a des autos qui ont explosé. À un moment donné, il ne faut pas être stupide. On fait la promotion de ça, il y a des autos qui explosent. Puis, en même temps, au Québec, Hydro-Québec nous parle que là, il faut économiser l'électricité en plein hiver. Là, prenez votre douche à l'eau froide ou limitez votre utilisation du four. Puis là, on veut amener les gens à consommer plus d'auto électrique qu'en branchant des auto électriques sur leur maison. Fait que d'un côté, on dit qu'il faut restreindre l'utilisation d'électricité par rapport à certaines périodes, comme à chaque année pendant les périodes de froid hivernal, mais simultanément, on va amener les gens à consommer plus d'électricité. Je comprends pas la logique, mais ça me t'invite les gens à consommer plus d'électricité si t'en as en plus grande quantité ou t'as des surplus. En tout cas, je trouve ça particulier. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit. Puis moi, l'histoire de l'auto électrique, premièrement, je m'achèterais une auto essence. Le fameux scénario que c'est à cause de la pollution associée aux véhicules électriques que des changements climatiques qu'on connaît sur Terre, que ce soit le principe fondamental, j'ai des sérieux doutes. D'ailleurs, de toute époque, il y a toujours eu des changements climatiques. Donc, comment dire? Tu sais, parce que ça coûte cher, là, une auto hybride ou une auto à l'essence, puis le délai de livraison est long. Donc, moi, je m'achèterais une auto tout simplement à essence, puis je garderais l'argent pour faire des placements, comme le régime épargne-études que ma fille, elle a eu. Mais tu sais, c'est sûr qu'on voit qu'il y a toujours... il y a un système dans la société avec l'argent. Il faut comprendre les règles puis les avantages par rapport à ça. C'est comme, dans le fond, si quelqu'un prend 1 000 $, ben, le gouvernement redonne 30% pour un régime épargne d'études, c'est avantageux. Si quelqu'un cotise un REER, régime épargne retraite, bon, mais ça permet de diminuer l'impôt que la personne va payer à la fin de l'année. Donc, il y a différents leviers économiques. À mon avis, ça devrait faire partie de l'éducation fondamentale des individus, de comprendre les différents leviers économiques de son environnement pour en tirer profit. Et tout ça pour dire quoi? Ben, on vit dans une société naïve. Tu sais, par rapport à la guerre en Ukraine, tantôt, je discutais avec ma compagne, j'écoute des fois des bulletins de nouvelles de LCI sur YouTube. C'est une chaîne de diffusion européenne qui fait une couverture journalière sur semaine de ce qui se passe par rapport à la guerre en Ukraine. Il y a souvent des membres de l'armée qui vont commenter les événements. J'aime beaucoup les analyses que vont faire des militaires par rapport à ce qui se passe. Et là, présentement, on est rendu au stade où Moscou reçoit des attaques de drones. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que, bon, avant, on disait c'est les Russes qui attaquent l'Ukraine. Là, à ce moment-là, l'Ukraine, bon, pour ce qui est de l'attaque des drones, c'est sûr qu'on peut discuter de la source. D'un côté, comme j'en discutais avec ma compagne, c'est possible que ce soit une opération sous faux drapeau où Poutine volontairement, parce qu'il y a plusieurs semaines, il y avait eu d'autres attaques de drones, puis là, c'est quasiment caricatural. Tu vois des drones au-dessus du Kremlin, là. Voyons donc que les Russes n'auraient pas intercepté ça avant. Peut-être que Poutine, c'est une attaque sous faux drapeau qu'il a laissé perpétrer sur son sort pour amener les gens à se rallier à lui, un peu comme Winston Churchill lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui a tiré profit du fait que l'Angleterre avait été attaquée, entre autres, par des missiles V2 en provenance de l'Allemagne pour motiver les Allemands, les gens en Angleterre, les Britanniques, pour faire la guerre contre l'Allemagne. Donc, le fait qu'ils sont attaqués sur leur propre le territoire, utiliser la frustration que ça occasionne comme étant une forme de carburant pour les lier à la cause de l'attaque de l'ennemi. Donc, pour créer un état d'unité nationale, pour que tout le monde se rallie par rapport à la menace d'un ennemi commun. Donc, pour éliminer la dissidence. Donc, ça se peut que ce soit ça. Ça se peut aussi que ça peut avoir pour effet, il y a plusieurs effets, je vais regarder ça dans les prochains jours, que s'ils sont attaqués sur leur territoire, les Russes, peut-être que des gens qui vont se mettre à avoir peur, ils ne se sentiront pas en sécurité, puis finalement vont vouloir au contraire non pas se rallier à Poutine pour amplifier l'effort de guerre dans une dynamique d'escalade, mais au contraire vouloir que la Russie arrête d'attaquer l'Ukraine, entre autres avec des drones, pour calmer le jeu, pour ne pas être victime de représailles de la part de l'Ukraine. Donc, si les drones viennent de l'Ukraine, naturellement, il faut être sceptique pour ne pas être dans la naïveté complaisante. Mais j'observe ça, qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que, comme je disais tantôt avec ma compagne, je partage un peu la communication, c'est que les drones là, qu'on dit qu'ils ont attaqué la Russie, ils viennent d'où? C'est ça ma question. Parce que si c'est des drones que l'Ukraine a utilisés, est-ce que ça serait possible que c'est des drones qui ont été donnés à l'Ukraine par des pays de l'OTAN, comme les États-Unis, le Canada, des pays de l'Europe, la France, la Suisse, et ainsi de suite, ou même achetés avec l'argent qu'on leur envoie à chaque mois. Tu sais, l'Ukraine est subventionnée à la hauteur d'un peu plus d'un milliard de dollars par mois par les différents pays de l'OTAN. Donc, peut-être qu'ils ont acheté ces drones-là avec notre argent pour attaquer des civils russes par la suite. Parce qu'il y a des bâtiments où ce que des civils russes vivent, là, comme des blocs appartements en Russie qui ont été attaqués avec les drones. Donc, le Kremlin a dit que c'est des attaques terroristes pour, c'est sûr, engendrer la terreur. Oui, ça a sans doute pour impact d'amener les gens de la population à être terrorisés. Tu sais, la personne qui est à Moscou, peu importe l'endroit qu'elle se promène dans sa ville, elle peut avoir peur qu'à un moment donné, il y a un drone qui vienne s'exploser où elle se trouve au restaurant ou au cinéma ou même chez elle. Sur son immeuble d'appartement, tu sais, ça crée un climat de peur. Et est-ce que, dans le fond, on serait assez, les Occidentaux, assez fourbes pour financer l'Ukraine pour qu'ils fassent des attaques sur des civils? Présentement, je me pose la question. Après tout, on finance le régime ukrainien qui avait attaqué depuis 2014 au Donbass les gens qui voulaient se séparer de l'Ukraine, les séparatistes. Naturellement, en plus des forces militaires séparatistes qui ont été affectées, il y a eu des fuites civiles, il y en a qui se sont fait bombarder leur maison. Il y a même un hôpital au Donbass là, qui a été bombardé, différents lieux. Les bombardements des lieux fusillés qui sont faits par les Russes, présentement, qu'on dénonce dans les médias, ils ont attaqué des bâtiments, des meubles d'habitation, ou des hôpitaux, des écoles, c'est horrible. Ouais, mais est-ce que ça serait possible que nous autres, on finance des forces qui font la même affaire? Faut se poser la question, arrêter d'être naïf. Mais les gens sont naïfs, pis c'est pas moi qui vais les sortir de la naïveté. Ce qui sort vraiment une personne de la naïveté, je vais vous le dire, là, c'est bien une situation choc. Qui va permettre à la personne d'être lucide. C'est pas de lire sur Internet là, des trucs là, sur la conscience supramentale, puis là, de réfléchir à ça. « Ah, oh, je suis en contact avec mon double? Ou je suis l'ajusteur de pensée? Ah! Est-ce que je suis en contact? Est-ce que je suis dans le mental? Je suis dans le surmental? Ou dans le supramental? » Non, ça, c'est de la style de merde. Réfléchir à des concepts comme ça, d'ailleurs, depuis les dernières semaines, là, je ne vais plus jaser sur des forums de discussion sur Facebook ou autre, je trouve qu'il y a trop de perte de temps. Puis en réalité, le véhicule de la conscience, c'est un véhicule de grande intensité à l'état brut, et si la personne ne se suicide pas à travers ce véhicule, elle peut passer au second niveau de la conscience. Mais il ne faut pas qu'elle se tue. Je vous explique par rapport à ça. Dans le sens que ça prend une destruction psychologique de l'individu pour en revenir à ce point-là. Et j'ai au fil du temps, différentes personnes qui voulaient jaser de conscience. Et il y a beaucoup de personnes, j'ai pas la vibration. Fait que je leur ai dit poliment, je ne suis pas intéressé de discuter avec ces gens-là. Et il y a des personnes qui m'intéressent, mais qui sont pas intéressées à me parler. C'est correct aussi, tu sais. Moi, je suis pas intéressé à parler à certaines personnes, il y en a d'autres qui sont pas intéressées à me parler. À un moment donné, j'avais discuté avec une personne. Et cette personne-là avait vécu au Rwanda. C'est une femme d'à peu près mon âge. Et par rapport à elle, ce que j'ai à dire, c'est qu'elle me racontait que pendant la guerre du Rwanda, il y a une partie des membres de sa famille dans sa maison qui ont été tués à la machette. Et elle s'était cachée en haut de la maison. Et les gens qui sont rentrés dans la maison pour tuer les membres de sa famille l'ont pas vue. C'est la raison pour laquelle elle est en vie. Puis bon, par la suite, elle est immigrée et est venue vivre ici au Canada. Ça, le fait qu'elle est passée à travers ça, puis aujourd'hui, elle est fonctionnelle, elle travaille à sa vie. Ça, je trouve ça intéressant. Beaucoup plus que l'autre personne qui va me poser la question, c'est quoi la différence entre le supramental puis le surmental? Puis comment je peux être sûr d'être dans le supramental, mais pas dans le surmental? Ça, c'est de la réflexion théorique, conceptuelle. Mais l'autre, la personne qui a vécu quelque chose d'intense puis est encore en vie, parce que c'est quand même une charge vibratoire quand même assez lourde de voir des gens de la famille se faire découper à la machette, puis la personne est capable d'être fonctionnelle par la suite, de passer à travers ça. Ça, c'est intéressant. Il y aura peut-être des gens pendant la guerre Ukraine qui vont passer à la conscience supramentale, dans le sens que la personne qui voit ses voisins se faire tuer par un missile russe ou un missile de l'Ukraine sur son bâtiment, que ce soit une personne moscovite ou une personne qui habite à Kiev, mais si la personne est capable de faire face à ça, puis de rester centrique, puis continuer à travailler, puis faire sa vie, Chris, elle a de l'intégration beaucoup plus que l'autre personne qui va réfléchir aux concepts supramentaux. Et ce que j'appelle les diamants à l'état brut, là, les gens qui n'ont pas baigné dans une compréhension idéologisée, spiritualisée, intellectualisée du supramental, ça ne court pas nécessairement à l'IRU. Et les gens, quand ils font face à des situations traumatiques, bon, il y en a une grande partie que c'est trop pour eux, fait qu'ils se suicident. Ou ils deviennent dysfonctionnels. Tu sais, la personne est témoin que ses membres de sa famille sont découpés à la machette devant elle, puis elle reste le reste de sa vie invalide sur les antidépresseurs. Donc, il y a différentes possibilités. Mais la raison pour laquelle j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe à la conscience supramentale, c'est tout simplement qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables d'intégrer des chocs énergétiques de haute intensité sans venir à se suicider. Donc, c'est tout. Est-ce que d'écouter des enregistrements à sa conscience, ça change grand... En fait, Écouter l'enregistrement, oui, tu peux bénéficier d'être en contact avec une vibration momentanément, mais ce qui importe, c'est toi, Chris, comment tu t'actives dans ta vie pour actualiser la vibration dans ton quotidien et les actions que tu vas faire. Donc, puis la vibration s'exprime de différentes façons. Récemment, j'ai écouté un enregistrement du Doc Mayhew. Puis là, des fois, il y a des pics de colère qui sont très vibrants. Tu sais, je vous donne un exemple. Doc Mayhew, il disait dans un enregistrement, là, la lutte contre la grossophobie, c'est comme ça va faire, là. C'est idéologique. Puis je suis de son avis, dans le sens que quelqu'un, Chris, qui est atteint d'obésité morbide, c'est pas sain. Quelqu'un qui a un surplus de poids, puis la personne est rendue avec des problèmes cardiaques, problèmes de diabète. Non, c'est pas sain. Puis l'histoire de promouvoir la diversité corporelle, puis la lutte contre la grossophobie dans les écoles, puis ces choses-là, à mon avis, dans le fond, lutter contre ça, puis de mettre sur un piédestal quelqu'un qui est en santé, puis quelqu'un qui est atteint d'obésité morbide en termes de santé, on fait fausse route. Tout ce qui est idéologique et non pas s'appuyer sur des constats scientifiques ou vibratoires, et ça va amener l'humanité dans la perdition. Si tu dis, admettons, à quelqu'un t'es obèse, morbide, puis c'est sain pour ta santé, puis que quelque part, faut t'accepter, faut pas te juger, gna gna gna. Puis on est beaucoup dans tout est correct, il y a pas mais si la personne elle meurt plus jeune d'une crise cardiaque, ou si le gars, j'ai écouté une vidéo, ça s'appelait, en fait c'est une série d'émissions là, ça s'appelait Maigrir ou mourir. Là, ça se peut que vous entendez en arrière-plan ma fille qui pleure. Ça fait partie de ma vie de père. Mais c'est baptisé. Alors, je fais des farces, elle va arrêter de pleurer, elle va être dans l'amour du Christ. Parce que le Christ, c'est un Christ de bon gars. Hein? Jésus, là, c'est un esti de bon gars, ça. Si t'es baptisé, là, selon le Christ, t'es en communion avec l'Esprit christique. Donc, elle devrait être dans la paix de l'Esprit. Donc, elle devrait pas pleurer. Donc, je fais des farces. Mais non, hein? Là, elle pleure un peu, elle pleure. Mais non, ça n'empêche pas de vivre, là, être baptisé ou pas. Être baptisé ou pas, si tu as eu des contrariétés, puis ça peut t'amener à pleurer, ça va t'amener à pleurer. Mais je ferme la parenthèse, mais c'est ça. Doc Mayhew, dans son pragmatisme, il y a de l'intelligence. Par contre, tout ce qui est occulte, conscient, supramental, extraterrestre, vie après la mort, entité, pour lui, c'est tout de l'hostie de merde. Il va dire non, ça n'existe pas, c'est fabulation, hallucination, délire schizophrénique. À un moment donné, il dit à la personne, vous percevez des esprits? OK, on va vous organiser ça, on va vous prescrire des antipsychotiques, vous allez voir, vous n'en verrez plus d'esprit, ils vont tous disparaître. Oui, mais c'est sûr que la médication peut avoir un impact si la personne vit un état de psychose. Par contre, la réalité de l'esprit, à mon avis, elle existe pareil. C'est juste qu'on peut engourdir la personne. La personne peut être engourdie, moins avoir accès à des perceptions psychiques, mais la réalité multidimensionnelle, elle existe pareil. D'ailleurs, j'ai écouté un autre psychiatre, mais un peu plus ouvert. Lui, il a fait un livre sur la question des expériences de mort imminente, vie après la mort. Et lui, ce qu'il disait, si on dit que le fait que quand les gens vivent des expériences de mort imminente, vont avoir de la lumière, un tunnel, des êtres décédés, tout ça, c'est des hallucinations. Alors, à ce moment-là, ça ne tient pas la route parce que si la personne vit une expérience de mort imminente et la personne, on peut détecter qu'elle n'a pas d'activité cérébrale à partir d'un électroencéphalogramme, donc un appareil qui permet de détecter l'activité cérébrale, ou comme Mario Beauregard disait, qui est un chercheur en neurosciences, si la personne n'a pas d'activité cérébrale, elle n'a pas d'activité cardiaque, puis elle vit une expérience de mort clinique, puis là, la personne a dit qu'elle elle a été dans un tunnel, puis elle a vu de la lumière, puis des entités. Mais oui, mais Chris, si le cerveau il est pas actif, comment vous voulez qu'il hallucine ça? Il soulevait une bonne question, dans le sens que sinon, au moment où la personne n'a pas d'activité cérébrale, elle a dit qu'elle perçoit des choses. Et là, je regardais le contre-argumentaire par rapport à ça, c'est qu'il y a peut-être une activité cérébrale, mais que la science ne permet pas de détecter. Parce que c'est une activité qui est tellement minime, puis peut-être que l'électron se fait le grand, puis les électrodes sur le cerveau, c'est pas encore totalement perfectionné, puis il y a peut-être des micro-détails qui disent, mais quand même, C'est sûr qu'on peut toujours argumenter, contre-argumenter, mais il y a quand même une réalité que si la personne... Moi, je pars du principe, si la personne perçoit quelque chose, puis elle est bonne foi, elle a perçu cette chose-là, à un moment donné, il va falloir que ça soit reconnu, mais c'est pas le cas présentement. C'est sûr qu'il ne faut pas être naïf par rapport aux perceptions, dans le sens que si quelqu'un a dit qu'il a vécu une expérience de mort imminente, puis il a vécu les membres de sa famille, ça ne veut pas dire nécessairement automatiquement c'est le cas. Ce que je peux dire, c'est que, dans le fond, par rapport à tout ça, c'est que d'un côté, le Doc Mayhew peut avoir du bon, parce que l'histoire de la lutte là, contre la grossophobie, puis faire la promotion de la diversité corporelle, mais non, ça ne marche pas. Dans le pratique, le concret, j'ai dans ma vie, c'est pas ma compagne, là, c'est une femme que je connais, c'est assez triste. Elle a un surplus de poids, est atteinte d'obésité morbide, puis elle s'est décidée d'aller au gym, en salle d'entraînement, et elle faisait était sur une machine, un tapis roulant, moi je la voyais, puis elle essayait, tu sais, puis elle avait mal aux genoux en maudit parce qu'elle soulevait son poids. Fait que là, elle, c'est une femme passée 50 ans, tu sais, elle a plus 20 ans non plus, fait que là, tu sais, elle était pas à l'aise, elle était très inconfortable avec l'activité, fait que c'était un cercle vicieux. Dans le sens qu'elle n'était pas à l'aise à faire du cardio, ce qui fait brûler beaucoup de calories là, sur un tapis roulant. Puis, sa stature corporelle ne lui permettait pas ça. Fait que là, elle a arrêté d'aller au gym à cause de ça. Fait que, puis, si elle va pas au gym et elle dépense pas ses calories, ben, elle va pas maigrir. C'est sûr qu'elle peut jouer sur le terrain de l'alimentation, en plus de l'activité physique, ça c'est clair. Mais... tout ça, là, l'histoire est que. Parce qu'elle, il y a d'autres personnes aussi, là, c'est qu'à un moment donné, il y a des problèmes de santé associés à ça. Faut pas être naïf. Et avec le temps, mon constat, c'est quoi? Ben, c'est faire des observations honnêtes dans la réalité, des observations à caractère scientifique, puis foutre de côté l'idéologique. Dans l'idéologique, par exemple, si on dit, il faut que vous soyez végétarien pour sauver les animaux. Ouais, mais si la personne est végétarienne puis elle manque de protéines puis elle manque d'énergie, si par exemple c'est une femme, elle a des menstruations abondantes puis est carencée en fer, puis si elle prend pas assez de fer dans son alimentation, elle est faible, elle fait de l'anémie, c'est pas intelligent. Donc le végétarisme, c'est pas pour tout le monde, même chose pour le ski alpin, même chose pour le jogging ou faire du tapis roulant pour se mettre en forme. Puis à un moment donné, si le surplus de poids est trop important, puis le poids est trop important sur les jambes, ça ne marchera pas. Le jogging, la personne ne sera plus apte à en faire. Son corps va être trop hypothéqué, plus des cercles vicieux. Et à mon avis, l'idéologie woke, ce qu'on va appeler entre guillemets de l'éveil américain, c'est une source de perdition de l'humanité. Et des fois, on se surprend. Moi, j'ai été surpris de réaliser que finalement, ma vie, en passant, j'ai 42 ans, mais au moment où je vous parle, mais dans la vie de tous les jours, je suis en contact avec des gens, mais de d'autres générations, c'est-à-dire les 70 ans et plus. Si je pense à mes beaux-parents qui ont 80 ans et plus, ma mère qui a au-dessus de 70 ans. Je me promène dans la rue avec ma fille, avec ma compagne, puis on parle souvent à des gens qui sont retraités, qui ont 80 ans et plus. Des gens de 80 ans et plus qui ont grandi avec la religion catholique, qui avaient des valeurs de fiabilité, de la valeur d'importance de la famille. C'était pas des gens qui passaient leur temps sur leur téléphone intelligent, là, dans leur bulle, là, comme vont le faire là, les gens qui sont des fans d'informatique et de manga là, au Japon, là, les otaku. Non, c'était des gens très différents, plus terre-à-terre, pas connectés avec la technologie qui peut nous déconnecter de notre contact intuitif avec l'esprit. Si tu contactes avec la machine, ça se peut que tu sois moins en contact avec toi-même, parce que tout dépendant de ce que tu investis ton énergie. Et la nature horreur du vide, dans le sens que si tu passes du temps à faire quelque chose, c'est parce que simultanément, tu ne fais pas autre chose avec ton temps, dans le sens que si tu passes du temps devant l'ordinateur, c'est que tu ne passes pas du temps simultanément à contempler la nature, là, à moins que tu sois dehors là, avec ton ordinateur portable ou un téléphone intelligent, mais encore. Tout ça pour dire que on vit dans une société en voie de perdition. Et l'une des illustrations par rapport à ça, puis je vous partagerai le lien web en bas de la vidéo, ça a été une vidéo que j'ai écoutée d'enquête exclusive là, par rapport à Prigogine, qui est le propriétaire de la troupe militaire Wagner. Donc, c'est une troupe d'individus, de mercenaires, qui a recruté, entre autres, dans les prisons pour aller attaquer l'Ukraine. Et je vous partagerai le lien de la vidéo, parce que c'est quand même un personnage intéressant par rapport à l'époque actuelle. Donc, Prigogine, lui, à l'origine, c'est quelqu'un qui a fait de la délinquance, qui a fait certains crimes, il a été en prison en Russie. Et suite à la chute de l'URSS, il a travaillé dans l'industrie de la restauration, il s'est fait connaître de Poutine et est devenu multimillionnaire, donc il est milliardaire aujourd'hui, et il a développé une troupe militaire. Et le concept, ça pourrait faire d'ailleurs le sujet d'une émission de télé-réalité, sans doute qu'il y aurait des millions de codes d'écoute, c'est qu'il va dans une prison russe. Il fait convoquer devant lui les prisonniers. Et pour faire du recrutement pour sa troupe militaire Wagner, qui va aller combattre, là, que ce soit en Ukraine ou en Afrique, et il leur dit ceci: si vous acceptez de vous joindre à Wagner et que vous servez pendant 6 mois, par la suite, vous allez être libéré de prison, votre peine, dans le fond, vous allez avoir l'amnistie, vous allez être libre, là. Vous n'avez pas besoin de purger plus loin là, votre peine de prison. Donc, ce qu'il offre, c'est quoi? C'est la liberté. Si vous servez pendant 6 mois l'armée de Wagner, vous êtes libre après. Mais, si vous engagez à servir, il y a des règles à suivre. Il y a des choses que je trouve intéressantes, dans le sens que les soldats qui servent pour Wagner, ils n'ont pas le droit de boire d'alcool. Ensuite, ils n'ont pas le droit de violer des femmes. Ça, c'est quand même une bonne amélioration à comparer à d'autres guerres. Si on pense à la Deuxième Guerre mondiale où apparemment, là, il y aurait eu plein de soldats russes qui auraient violé des femmes à Berlin lorsque le régime nazi a tombé à Berlin. Puis là, les Russes ont envahi Berlin puis ils auraient violé plein de femmes allemandes. Et l'autre règle qui est intéressante aussi, c'est qu'un soldat de Wagner ne se rend pas. Ne déserte pas non plus, dans le sens que si, dans le fond, la personne est prise là, à vouloir déserter, elle va se faire tuer. Mais ça fait partie des règles. Tu sais, dans sa vidéo, il apparaît comme un personnage caricatural, quasiment grossier, mais c'est clair. Donc, si la personne veut déserter, elle va se faire tuer. Ça ne respecte pas les règles aussi. Puis, elle se fait remettre 2 grenades. Dans le sens que si elle est prise par l'ennemi, là, qu'elle se fasse exploser. Il n'y a pas personne qui se rend à l'ennemi, là. Qui va être sauvé par la suite là, par la troupe Wagner, là, de ce que je comprends là, derrière ça. Là. C'est qu'attendez pas de l'aide là, si vous êtes fait prisonnier, là, faites-vous tuer. Au moins, les règles sont claires. Puis là, les prisonniers ont un total de 5 minutes. Pour réfléchir s'ils joignent ou non à Wagner. Ensuite, ça pourrait faire l'image d'une émission de télé-réalité. Tu filmes ces gens-là en temps réel. Premier épisode, il y a ça. Deuxième épisode, c'est une fois qu'ils sont ceux qui acceptent d'être recrutés. Comment que ça se passe? Parce qu'ils ont une formation de 3 semaines. Puis là, après ça, ces gens-là, ils vont être... c'est drôle, puis c'est pas drôle, là. Il y en a un de Wagner, parce qu'il y a des témoignages des anciens soldats, là, dans la vidéo que je vais vous proposer d'écouter, là, ça dure à peu près 1h30, et il y a d'autres vidéos aussi sur YouTube. Là, à un moment donné, il y en a un qui dit « On va m'envoyer sur la seconde ligne. » Fait que le gars, il dit « Moi, je trouvais que c'était correct. » Puis naturellement, ils l'ont pas envoyé sur la seconde ligne, ils l'ont envoyé sur le front, comme on dit, à servir de chair à canon, là, à l'abattoir, là. Dans le sens, les gens de la troupe Wagner, qu'est-ce qu'ils font avec eux? Ben, ça, mettons, un escadron, disons, entre 10 et 15 personnes, sont envoyés pour conquérir du terrain. Ces gens-là sont à découvert. Tu leur fais une formation de 3 semaines, tu leur mets entre les mains de mitraillettes, puis tu dis, va attaquer les forces ukrainiennes puis conquérir du territoire. Disons que c'est très risqué pour leur vie, là. Tu sais, ils sont pas derrière des chars d'assaut. Quand que j'écoutais ça, ça me faisait penser un petit peu à la Première Guerre mondiale, du côté des Alliés, là, comme les forces françaises, si, admettons, on sifflait pour que les soldats sortent des tranchées pour qu'ils aillent conquérir du territoire, ben, ils étaient obligés d'y aller. Puis s'ils n'y allaient pas, là, puis ils voulaient revenir en arrière pour déserter, ils se faisaient tuer. Puis la troupe Wagner, c'est ça. C'est soit que le soldat il avance ou il se fait tuer. Et c'est sûr que c'est très risqué. Tu sais, c'est pas comme, admettons, dans les guerres récentes où les gens ont essayé de conquérir du territoire derrière un char d'assaut. Donc, tu sais, si la personne est couverte parce qu'elle est derrière un char d'assaut, les chars d'assaut vont avancer au front, puis eux autres sont derrière, sont protégés. Tandis que là, non, la personne est 100% découverte. Puis à la différence de la Première ou Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'aujourd'hui, tu as des drones. Ce qui veut dire que les forces ukrainiennes ou les forces russes, ils ont chacun leur drone. Bon, mais si, admettons, des gens de la troupe de Wagner, une unité de soldats, ils se font dire « va conquérir le territoire », ouais, mais tu as un drone ukrainien qui peut passer au-dessus d'eux puis envoyer une grenade, donc pour les tuer. Fait que ça fait partie du risque des métiers. Mais s'ils réussissent à tenir en vie pendant 6 mois, là, ça pourrait être l'objet d'un téléroman, une télé-réalité. Le premier mois, premier épisode, deuxième mois, puis là, c'est sûr que c'est une télé-réalité, tu t'organises pour mettre de l'avant la personne qui va rester en vie, même si c'est un faible pourcentage. Puis là, dans la vidéo, il était question de ça, là, c'est que là, il montrait là, les gens qui avaient servi fièrement là, pendant 6 mois, puis Prigogine allait les voir, les vétérans de la guerre, dans un avion pour retourner en Russie libre. Mais ouais, mais c'est parce que, tu sais, s'ils montent, admettons, une quarantaine de personnes qui sont libres, il y en a peut-être au-dessus de 30 000 qui sont morts, ben, je caricature, là, mais une grande quantité, disons, qui ne survivront pas le 6 mois, là. Tu sais, mais c'est ça. C'est une dynamique de guerre. Puis, en m'intéressant à Prigogine, ce milliardaire, c'est sûr que quand que je regarde qu'est-ce qu'il fait, ben lui, c'est une opportunité d'affaire, la guerre, c'est sûr. Puis il utilise de la main-d'œuvre disponible, des prisonniers qui veulent s'en sortir, puis être libre, pour faire des opérations, en fait, que les forces russes militaires vont pas nécessairement faire. Et là, comme c'est des gens qui sont pas des militaires, ben c'est sûr que ça se peut qu'ils, un peu comme les Américains. Les Américains, quand ils ont été faire la guerre en Afghanistan ou en Irak, puis il y avait des prisonniers, bien, s'ils ramenaient à Guantanamo, là, qui n'était pas en territoire américain, ben ça leur permettait de faire ce qu'ils appelaient des techniques d'entrevue renforcées. Prenons, par exemple, la simulation de noyade. Puis là, j'avais écouté le film The Report que vous pouvez trouver sur Internet, qui est vraiment intéressant là-dessus. En anglais, ça veut dire le rapport, en français, là. C'est que quelqu'un a écrit un rapport sur toutes les tortures qu'ils ont commis, etc. Mais pour eux, c'était pas de la torture, c'était des techniques renforcées d'entrevue. Mais il y avait toutes sortes de choses. Privation sensorielle. Ça a été fait là, à partir de 2003. Il y en a eu plein d'autres, là. Bon, simulation de noyade. Il y en a une, c'était impressionnant. C'est qu'il prenait l'individu, puis il rentrait de l'eau dans l'anus. Puis il poussait de l'eau dans l'anus jusqu'à temps que l'eau qui était rentrée par l'anus sorte par la bouche. Et dans le fond, il faisait ça. Ensuite, il rasait la barbe à des gens musulmans, les cheveux. Il présentait à nu dans une couche pour les intimider. Toutes sortes de techniques pour les briser psychologiquement. Puis il y en a qui ont vécu plusieurs simulations de noyade. Tu sais, c'était assez violent. Mais comme c'était pas en territoire américain, c'était pas nécessairement les mêmes lois qui s'appliquent. Et comme là, c'est pas l'armée russe, Wagner, c'est pas tout à fait pareil. Fait que c'est une façon aussi d'utiliser une espèce... En même temps, c'est bien pour les statistiques, pour les Russes, dans le sens que c'est par rapport à la guerre, disons que depuis un peu plus d'un an, il y a 100 000 soldats ukrainiens qui sont morts, puis 100 000 Russes. Bon, ben, s'il y en a eu, je sais pas, moi, 300 000, ben, j'exagère peut-être un peu, là, mais disons une plus grande quantité de Wagner, comme c'est pas des soldats, dans les statistiques officielles, ils apparaissent pas. Parce que c'est pas des soldats. Mais ils ont agi comme soldats, mais on n'en tient pas compte. Donc, ça peut servir à masquer de la mortalité. Sinon, Wagner, dans le documentaire, naturellement, ils ont été en Afrique. Il aurait perpétré des crimes contre l'humanité, tué des civils, violé des femmes, là, entre autres, au Mali. Puis, dans le fond, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont été dans différents, faire des opérations militaires dans différents pays d'Afrique. Puis, à un moment donné, dans une des opérations, par rapport aux troupes de Bachar al-Assad, en Syrie, il y avait un gars, un militaire qui était déserteur. Et les membres de Wagner l'ont pris, ils ont pris une espèce de masse de guerre, là, comme au Moyen Âge, un gros marteau, puis ils ont foutu des coups de marteau un peu partout, ils l'ont démembré. Puis les gars de Wagner, ils se sont filmés. La vidéo, naturellement, a circulé sur Internet. Et suite à ça, Prigogine, qui est le propriétaire de l'armée privée Wagner, donc, au lieu d'être offensé de ça, puis de dire non, ça ne se reproduira plus, ça n'a pas de bon sens, d'avoir démembré un soldat comme ça, au contraire, non seulement ça ne l'a pas dérangé, mais il a fait, à partir du logo de Wagner, produire une masse qu'il a remis à ses troupes, aux responsables des troupes armées de Wagner, pour leur dire que dorénavant, s'il y a des déserteurs, voici la masse que vous pouvez utiliser dans le sens que je n'y vais pas si vous voulez démembrer des soldats déserteurs. Donc, on voit que c'est un homme qui est sadique, puis en même temps, ben, il est surprenant, parce que dans le sens commun, on serait attendu qu'il aurait dit non, c'est pas correct, on va arrêter ça. Mais non, au contraire, non seulement ça le dérange pas, mais il en fait la promotion, puis il fait même une belle masse là, avec le logo W là, de Wagner dessus pour démembrer les gens qui seraient des déserteurs. Mais c'est sûr que le dilemme doit être odieux par rapport aux prisonniers, parce que l'objet, l'enregistrement, c'est la naïveté. T'sais, le prisonnier qui est naïf va dire, ah, faut que tu serves pendant 6 mois, mais comme le prisonnier que je parlais, il s'était fait dire, non, tu vas être en seconde ligne, tu vas pas au front. Mais là, la personne qui est amenée au front, malgré lui. Puis là, c'est soit que, dans le fond, il voit la boucherie, puis il est à découvert, puis il se fait tuer par l'ennemi, ou sinon, il se fait démembrer par la masse ou tuer par balle. En fait, dans les faits, les témoignages d'anciens soldats, ceux qui n'allaient pas dans le sens des consignes, il y a eu des cas là, qui se sont fait tuer par balle, là, non pas démembré avec la masse, quoique le symbole est fort, là. Puis là, il y a eu des vidéos de Prigogine qui se montraient avec la masse fièrement là, dans une boîte, puis tu sais, c'était comme cool. Mais on est dans un état de déchéance morale. Je veux dire, l'individu qui se réjouit de démembrer des personnes puis a l'air de jouir de ça comme un pédophile qui vient en état d'érection en regardant des enfants, c'est le même principe. On est dans un état de perversion morale. Et quand que je le voyais, ben, je me suis dit, on est peut-être rendu au point un peu comme Sodome et Gomorre, dans le sens que dans un lointain passé, les gens de ces villes qui ont été accusés d'avoir commis des crimes contre l'esprit, ou ce qu'autrefois on appelle Dieu, dans le fond ont été changés en statue de sel, dans un vocabulaire contemporain. On peut dire changer de statue de sel, c'est un petit peu comme les gens qui ont été attaqués par armes nucléaires. Et suite à leur destruction, bon, ben, ils ont été réduits en poussière. Donc, dans un langage plus court. C'est sûr que l'état de déchéance va faire peut-être en sorte qu'à un moment donné, entre guillemets, les dieux ou les extraterrestres ou les entités de haute évolution vont intervenir pour rester l'ordre. Si je pose la question à l'esprit par rapport à Poutine, puis l'autre Prigogine, là, qui laisse faire, hein, tu sais, je veux dire, Prigogine. Il travaille de connivence avec Poutine pour faire des opérations militaires en Ukraine, là. Donc, par rapport à Prigogine, est-ce que, dans le fond, si je pose la question au plan de la lumière, pourquoi vous intervenez pas pour mettre fin à les brutalités qu'il perpétue et dont il fait la promotion? Ben, ce que ça me répond, c'est que les gens qui ont une sensibilité interceptent le signal que ces agissements ne sont pas intelligents. Il y a des gens au niveau international qui vont chercher à l'arrêter. Il va y avoir des accusations, mais c'est très lent. Puis dans le fond, si je pose la question aux forces de la lumière, pourquoi vous n'intervenez pas directement pour faire cesser la guerre entre l'Ukraine puis la Russie? Ce que ça me répond, c'est que si on se manifeste directement à vous d'une manière explicite à travers les êtres qui constituent nos unités sur le terrain de nature extra-humaine, bien, ça vous crée un choc de civilisation. Or, le choc de civilisation va, dans le fond, amener un état de perturbation psychologique beaucoup plus grand qu'il y a une pénétration progressive des énergies de l'esprit comme il se fait à l'époque précédemment. Sauf que le fait que la transition vers une civilisation galactique pour l'humanité se fait de manière progressive fait en sorte que des crimes qui sont perpétrés contre l'humanité, là, si on pense à tout ce qui se passe avec la guerre, les attaques des civils et ainsi de suite, sauf qu'au niveau de l'esprit, c'est comme perçu comme étant le moindre mal, étant donné que d'avoir un déploiement direct, dans le fond, amènerait un choc de civilisation. Mais à ce moment-là, ben, il n'y a pas de solution parfaite. C'est toujours la question du moindre mal qui l'emporte. Et c'est sûr qu'à quelque part, c'est regrettable. Donc, est-ce que Prigogine est chevauché par la loi? La réponse, c'est oui. Dans le fond, si vous la regardez dans les yeux, ce monsieur-là, mais oui, il est chevauché par la noirceur, un esprit de sadisme. Puis ce gars-là, il a beaucoup souffert dans sa vie. T'sais. C'est sûr que s'il a été dans le crime, il a fait des prisons. Puis ce gars-là, il est techniquement riche, il est milliardaire. T'sais, il n'est pas obligé de travailler rendu à ce stade-là, mais il a un appétit de contrôle, soif de pouvoir. Puis là, il aime ça être devant les caméras, puis fait des déclarations au choc. D'un côté, il y a un côté sadique, puis quand je l'écoute, il est comme captivant. Là, c'est sûr que ce serait une émission de télé-réalité. Dans le fond, il y aurait sans doute un vaste auditoire. Tu dis au monde, si tu survis d'ici 6 mois à la guerre, t'es libre. Puis là, on montre les participants. Là, c'est une affaire d'éliminatoire, là, un peu comme une émission de télé-réalité où tu vas dire que la personne, faut, ben, comme il y a maigrir ou mourir, il faut que la personne s'engage à maigrir un certain nombre de livres. Il y a un défi à accomplir. Là, le défi, c'est de survivre. C'est une forme d'Hunger Games version moderne quand tu regardes ça. Donc, où tu regardes les gens se faire tirer, ainsi de suite. C'est du divertissement qui est sadique. Mais ça nous instruit sur la nature des êtres humains puis leur naïveté. Le soldat qui pense que la liberté va venir en servant Wagner, alors qu'il y a une grande quantité de ses compatriotes qui ont cru ça, qui sont morts, ben c'est de la naïveté. Moi, c'est sûr, je ne servirais pas Wagner, mais encore moins les forces ukrainiennes. Je resterais neutre par rapport à ça. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on avait vu qu'est-ce qui s'était passé avec la Suisse. La Suisse fournissait à la fois les nazis avec des canons, puis aussi les alliés. Fait qu'eux autres, ils vendaient des canons à tout le monde. Ils empochent de l'argent. Sinon, la Suisse, par rapport aux produits Nestlé, les barres de chocolat, fournissait les Américains. Puis simultanément, ils fournissaient aussi de la nourriture aux nazis. Donc, peu importe la personne, eux autres, il y avait la neutralité. Puis les gens fortunés de tous les camps, ils allaient chez eux, dans leur compte bancaire, entreposer leur bulletin de guerre, leur trésor. Fait que eux autres ont tiré profit de la situation. Donc, la neutralité, puis au-delà de la polarité, ça peut servir. Pas juste l'individu, ça a servi le pays de la Suisse. Là, je sais pas s'ils sont devenus moins brillants, là, la Suisse, là, par rapport à la guerre en Ukraine, parce que j'avais appris dans les médias qu'ils prenaient parti là, pour l'Ukraine au lieu de rester dans leur neutralité qu'ils ont eue pendant de longues décennies. Mais quoi qu'il en soit, l'important, c'est de ne pas être naïf puis d'être continuellement dans une capacité de contester la naïveté. Donc, là-dessus, ben, je vais vous quitter. C'est ce qui va terminer cet enregistrement. Merci, comme à l'habitude, de votre écoute et je vous dis à bientôt.